Thank you.

front of me. In front of me. Hey, baby, in front of me. To breathe. Mes yeux s'ouvrent et soudain je vois la lumière en moi. Hey, baby, in front of me, I see. Hey, baby, in front of me. One of me, baby. Oh, yeah. In front of me. Tu me rends chèvreux. T'es une magicienne. Magie, magie, magie. Mon corps agit instantanément, comme par magie, baby, baby, baby, baby, comme par magie, baby, baby, baby, baby, comme par magie, comme par magie, quand je te vois. J'oublie le reste, j'oublie le temps, j'oublie le reste, j'oublie le temps, j'oublie le reste, comme par magie. Reste comme par magie, j'oublie le temps comme par magie, j'oublie le reste quand je te vois, j'oublie le temps comme par magie. Baby, baby, baby, oublie le reste. Baby, baby, baby, j'oublie le temps. Baby, baby, baby, baby, j'oublie le reste. Oh my baby, baby, baby, quand je te vois. Tic-tac, boom, tic-tac, boom. Tu exploses en moi. De toi, je perds mes moyens. Oh, tu vois, oh, telle une magicienne. Telle une magicienne, je vois. Telle une magicienne. Telle une magicienne que je vois. Telle une magicienne. Telle une magicienne que je vois. Telle une magicienne que je convoite, je te convoite, je te convoite, je te convoite, je te convoite, tu m'attires comme un aimant, oh, il ne faut pas que je mens, tu m'attires comme un aimant. Mes yeux sont rivés, mes yeux sont rivés sur ton postérieur. Mes yeux sont rivés sur ton postérieur. Ne pars pas, j'arrive de suite. Mes yeux sont rivés sur ton postérieur. Reste ici. Mes yeux sont rivés sur ton postérieur. Ne pars pas, j'arrive tout de suite. Telle une magicienne, tu m'attires. Telle une magicienne, je respire pour toi. Je m'approche de toi, je perds tous mes moyens. Avec ces formes-là, mes yeux sont rivés sur toi. Je m'approche de toi, je perds tous mes moyens. Quand je te vois, oh magicienne, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Oh, Rasta man, Rasta girl, Rasta girl, Rasta man, Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Rasta girl, mes yeux sont fixés sur toi. Oh manano, oh mes yeux sont fixés sur ton postérieur. Mes yeux sont fixés sur ton postérieur. Non, tu agis comme une magicienne. Tu agis comme une magicienne avec ces vêtements-là. Oh, lorsque tu passes devant moi, mes yeux sont fixés sur ton postérieur. Lorsque tu passes devant moi, mes yeux sont fixés sur ton postérieur. J'en fixe sur toi. Lorsque tu passes devant moi, tu agis comme une magicienne. Oh manana, mes yeux sont fixés sur ton postérieur. Quand je dois la gueule, mes yeux sont postérieur. Tu passes devant moi comme mes yeux sont fixés sur ton postérieur. Que tu passes devant moi, que je vois ton body, mes yeux sont fixés sur ton postérieur. Parce que tu passes devant moi, tu agites la magicienne. Oh yo yo yo, lorsque tu agis devant moi, lorsque tu passes devant moi, tu agis comme une bonhomme. Je regarde ton postérieur, parce que j'aime ça. Tu as. Éjaculation faciale, faciale, faciale. Voilà la roue. Tu agis comme une magicienne en moi. Je vois mes membres gonflés. Tu agis comme une magicienne en moi. Je vois mon membre gonflé à distance. À distance, tu agis. Faut que tu arrêtes de faire la magie à distance. Tu agis. Il faut que tu arrêtes de faire la magie. Lorsque tu vois, avec tes habits tu agis à distance. Mon membre inférieur est en train de grossir. Telle une magicienne, tu agis par magie. Magie, tu agis. Mon membre inférieur est en train de grossir. recette magique, c'est quoi pour faire cet effet sur moi? Ta recette magique, c'est quoi pour faire cet effet sur moi? J'avais la drum. Alors j'arrête, tout s'arrête. Magnifique. pas bon, la drogue, c'est pas bon.